soirée sur un quai ouvert, laissons traîner la lumière par... Sorry. Merci. Glace, préverbe. Looking. Glace, préverbe. Ok. Looking for lyric. Thank you. say any you could choose. Alors voyons, est-ce que j'écris bien l'anglais? Chose by yourself, ça va? A, F. Gaz, problème technique. Alors voilà. Thank you. Song for me. D. Don't be cruel. Hey, Thomas. Après, je me casse. Attends, un peu après, je te laisse. Hey, Thomas. Thank you.